On va commencer l'atelier sur la situation politique en Italie. Donc ça va être un exposé de 40 minutes de Luigi. Donc vous savez qu'on a une section en Italie qui est assez importante. Et on a de la chance d'avoir un camarade français qui est de la section française en tout cas, qui a passé un petit moment, ou un long moment en tout cas, dans la section italienne. Donc je pense qu'il connaît très bien le sujet. Donc c'est un exposé de 40 minutes. Après on fera une petite pause. Et on aura encore 50 minutes pour faire des remarques, des questions et des interventions plus longues, à la limite. Et donc, pour l'instant, je laisse la parole à Luigi. Merci, Andreas. J'essaie de ne prendre pas 40 minutes, mais on va essayer. Voilà. Alors, on a utilisé une image pour analyser le résultat des élections du 4 mars en Italie. On a parlé de tremblement de terre. Une image qu'on a évoquée aussi dans d'autres pays, dans d'autres situations. De facto, il y a un éclatement de la superstructure politique, c'est-à-dire une crise structurelle profonde des organisations politiques traditionnelles que jusqu'à aujourd'hui ont géré le capitalisme en Italie, comme d'ailleurs dans d'autres pays. Et donc l'ancien équilibre dans le Parlement, qui avait vu jusqu'à aujourd'hui une alternance en fait entre le centre-gauche et le centre-droite, autour de deux partis, en fait, le parti de Berlusconi, Forza Italia, Force Italie, et le parti démocrate. Cet équilibre n'existe plus. Après la crise de 2008, en fait, il y a eu déjà un changement, parce que les alliances qui se sont alternées au pouvoir sont des alliances de plus en plus larges. Et le parti démocrate a collaboré, en fait, aussi avec le centre-droite, pour essayer de sortir de la crise économique en faisant les intérêts de la classe dominante. Normalement, la bourgeoisie, elle peut contrôler le Parlement, l'Assemblée nationale, dans une démocratie bourgeoise, grâce au fait qu'elle exerce en fait une hégémonie sur la petite et la moyenne bourgeoisie, et grâce au fait de profiter aussi de la collaboration des directions réformistes du mouvement ouvrier. Mais cette situation, elle est plus la même, en fait. Ce qui est sorti des urnes de 4 mars, c'est un vote, en fait, pour éviter une reproduction de ce type de gestion du capitalisme. Il faut évidemment insister sur le fait qu'il n'y a pas des automatismes entre la base économique et les cristallisations politiques en général. C'est vrai que la bourgeoisie, normalement, elle arrive à contrôler les institutions, etc. Et de l'autre côté, que la classe ouvrière arrive aussi à avoir une représentation de ses intérêts politiques dans l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, la situation est plus compliquée, compliquée que ça. Et on voit un processus quand même de polarisation et de radicalisation à droite comme à gauche. Les formalistes de gauche, les réformistes, ils pensent que, au final, les masses en Italie ont un niveau politique trop bas, et c'est pour ça qu'il y a un virage à droite. Mais c'est pas exactement comme ça. C'est pas si facile que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut, à mon avis, partir de l'analyse économique de la société italienne. Qui forcément met le nouveau gouvernement de la Ligue et du mouvement 5 étoiles dans une situation très compliquée. Les marges, en fait, pour mener une politique keynésienne classique sont très strictes. Si on pense par exemple au rapport entre la dette et le PIB, qui touche aujourd'hui 132%, et l'objectif qui s'est donné le gouvernement italien d'arriver à réduire ce gap, ce décalage a retouché le 123,9% en 2020, ben, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce que la croissance économique, en fait, elle est, la prévision de la croissance économique en Italie, elle est déjà passée de 1,5 à 1,3. En plus, chaque année, l'Italie paye le 4% d'intérêt sur la dette. Et baisser ce taux est très compliqué en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a... excusez-moi, je prends un moment parce que je suis un peu... Donc la reprise en Italie, elle existe, mais elle est très faible. Le problème, c'est que la crise de 2008 est une crise double. On a eu une chute en 2009 et en 2013. Et en 2016 et en 2017, la reprise était très faible. En ce moment, le nombre d'occupés en Italie compte 25 millions d'occupés. Et le nombre d'heures travaillées touche 11 milliards. Cette reprise, en fait, par rapport aux reprises des autres pays, elle est très faible et il y a une augmentation énorme de la précarité. Le chômage touche 11%. Pour la jeunesse, c'est 33%. Il y a aussi 6 millions de pauvres en Italie. Évidemment, il y a des différences entre le nord et le sud d'Italie. Notamment dans le sud d'Italie, le taux de chômage arrive à toucher même le 40%. Il y a des régions du sud d'Italie, notamment la région de Naples, où il y a des chiffres qui sont vraiment des chiffres choquants. Pensez que dans ma ville d'origine, le taux de chômage pour les jeunes filles entre 18 et 30 ans, touche 75% de chômage. Donc vous voyez une image, une photographie de la situation économique qui rassemble, à mon avis, à la Grèce avant 2010, et sinon pire, parfois. Donc c'est ça le contexte économique des difficultés pour mener des politiques keynésiennes. De plus, il y a évidemment aussi... Une opposition de la Commission européenne, la fin du quantitative easing et aussi la fin du mandat de Draghi. Ça va fortement influencer en fait la politique de la communauté européenne. Jusqu'à aujourd'hui, Draghi, malgré sa lettre avec Trichet, malgré l'imposition de politiques d'austérité et tout ça, au final, il a été... Très flexible vis-à-vis du dépassement de la limite de la dette publique en Italie. Et ça va forcément changer. De plus, la vague de protectionnisme qu'il y a en ce moment à partir des États-Unis avec les politiques de Trump qui vont essayer évidemment de renforcer le dollar par rapport à l'euro. Menace évidemment aussi l'industrie italienne qui au final c'est le seul secteur en fait de la société italienne qui a bénéficié un tout petit peu de cette reprise. Si on pense à la balance commerciale par exemple, il y a un plus de 55 milliards. Donc par rapport aux chiffres des dernières 10 ans, c'est quand même une reprise, mais très mal distribuée sur le territoire national. Et la première conséquence de cette faible reprise de l'industrie, c'est une augmentation en fait des rythmes de travail dans les lieux de travail, dans les usines, dans les entreprises. De plus, il faut savoir que en dehors des entreprises, dans la société, il y a ce qu'on appelle en Italie la nouvelle réalité. Un marché du travail fait en majorité de CDD. Le travail, il est de plus en plus précaire. Il y a de moins en moins de droits. à cause du Jobs Act, la loi travail qui a approuvé l'ancien gouvernement guidé par Renzi. Évidemment, il y a une baisse importante des salaires. Donc, dans ce contexte de faiblesse du capitalisme italien, qui était déjà faible avant la crise de 2008, il y a évidemment un projet idéologique du mouvement 5 étoiles qui reflète un peu ces aspirations de la petite bourgeoisie. Quand on parle de la légalité, quand on parle de la bonne concurrence, quand on parle de la lutte contre la spéculation et contre les grands monopoles, quand on parle, ça c'est toute la rhétorique utilisée par le mouvement 5 étoiles, quand on parle de la démocratie et de l'égalité formelle qui évoque, non, en défense de la Constitution, on parle justement d'une vision très utopique et encore une fois réformiste, voilà. L'idée selon laquelle, en fait, ce système, il peut être sauvé de sa crise sans le rejeter complètement. Et de l'autre côté, il y a un parti différent, la Lega, la Ligue, un parti qui a vécu une métamorphose, en fait, qui a choisi un virage à droite, évidemment, mais c'est un parti qui n'a pas une véritable virginité politique. C'est un parti qui a été au pouvoir pendant des années en Italie. Notamment, il a gouverné le nord d'Italie, les régions du nord d'Italie. Il a été au centre de pas mal de scandales de corruption liés notamment à la famille de l'ancien dirigeant de la Ligue, Umberto Bossi. Mais pas que. Et Salvini, en fait, a choisi ce virage à droite, surtout sur des bases xénophobes, racistes. Il a embrassé cette rhétorique aussi anti-européenne, anti-establishment. Le problème pour la bourgeoisie, c'est que ces deux partis, si on fait abstraction de ces deux organisations, c'est-à-dire au-delà de leur programme, etc., pour la classe dominante, il n'y a pas en fait en ce moment un parti qui peut représenter jusqu'au bout en fait ses intérêts. Mais la grande bourgeoisie, elle a quand même ses hommes dans le gouvernement italien, notamment le ministre de l'économie Tria, qui le jour après, le lendemain des élections, a déclaré sur la presse qu'ils vont respecter les paramètres européens et surtout que la question de l'euro n'est pas à l'ordre du jour et que l'Italie restera dans la communauté européenne. Alors quoi, il faut savoir que pendant 5 ans, la campagne électorale qui a commencé bien avant les élections pour le mouvement 5 étoiles et la Ligue a été une campagne électorale poussée à fond contre l'Union européenne et qui mettait au centre la question de la sortie de l'euro. Le problème, en fait, pour ces deux partis différents, mais en même temps sur le même terrain de démagogie qu'on dit populiste, mais en réalité, on ne peut pas faire confusion avec les catégories avec lesquelles on traite et on décide des organisations politiques. Il s'agit, dans le cas du mouvement 5 étoiles, d'un parti petit bourgeois, qui bascule à droite et à gauche et qui forcément propose une analyse de la société interclassiste quand il évoque en fait cette égalité formelle au-delà en fait des différences sociales et des différences de classe. Et donc le problème principal de ces deux partis, c'est de respecter en fait les attentes de son électorat. Notamment, il y a des attentes vis-à-vis du ministre du Travail en Italie, Di Maio. Ce personnage, il est un personnage peculier parce qu'il a des origines dans le sud d'Italie. Il vient d'une ville Pomigliano, Pomigliano d'Arco, c'est la ville où il y a la Fiat, où il y a eu des luttes ouvrières très importantes, où il y a en fait un taux de chômage très élevé, où il y a une pauvreté évidente, et où le mouvement 5 étoiles, en général dans la région du Sud, a eu un soutien très important. Dans certains villages, dans certaines villes, il a même pris, il y a presque plus de 50% des voix. Le problème pour Di Maio, c'est qu'il y a une distance énorme entre ses proclames et la réalité. En italien, on a une expression tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'est-à-dire entre le fait d'annoncer les choses, de dire les choses et les mettre en pratique, au milieu, il y a la mer. Et moi, je dirais que pour Di Maio, le mouvement 5 étoiles, il y a l'océan. Et on le voit déjà. On le voit déjà parce que le programme de mouvement 5 étoiles, il a changé énormément par rapport à la mise en pratique. Le premier exemple, le fameux décret dignité, décret sur la dignité, où il a essayé de modifier le Jobs Act, la loi du travail en Italie. Il a essayé de jeter les bases pour un revenu universel, le reddito di cittadinanza. Il a essayé de remettre en question la réforme des retraites. On parle en fait du premier acte du gouvernement quelques mois après les élections. De facto, il n'y a pas en fait, dans le cadre de la crise du capitalisme, les moyens pour financer ces réformes. Et à chaque fois que Di Maio essaye d'aller vers les attentes, les intérêts de ce secteur, voilà, cet électorat populaire qui a soutenu le mouvement 5 étoiles, ben Salvini essaie de rassurer les marchés, de rassurer la bourgeoisie en disant que c'est juste de combattre la précarité, mais il ne faut pas non plus endommager les intérêts des petites et moyennes entreprises. Et c'est toujours Salvini qui évoque à chaque fois des réformes qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de défendre les intérêts de la petite entreprise, de la moyenne entreprise. Comme par exemple la flat tax, cette idée de ne pas imposer, de baisser en fait le taux d'un les impositions fiscales pour les riches, avec cette théorie selon laquelle les riches, ils dépensent beaucoup d'argent. Mais bien sûr, il y a les pauvres, proportionnellement, dépensent beaucoup plus d'argent quand il s'agit de payer pour les services privatisés, pour la santé privatisée, pour les transports privatisés, et tout ça. Et après, il y a aussi des événements qui ont beaucoup clarifié les choses par rapport à la nature de classe de ce gouvernement et les intérêts qu'il défend. L'effondrement, par exemple, du pont Morandi à Gênes, c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe qui a des raisons économiques et sociales. L'entreprise qui gère les autoroutes en Italie n'a pas entretenu les autoroutes, tout simplement, et le pont, il s'est effondré. Et ça a été une tragédie qui a évidemment choqué l'opinion publique et a fait beaucoup débattre. La première chose qu'on a évoquée le lendemain de l'effondrement, ça a été la nécessité de nationaliser l'entreprise de nationaliser la gestion des autoroutes en Italie. Et comme vous pouvez imaginer, ça a eu aussi un écho dans le mouvement 5 étoiles, qui se disait disponible à discuter de cette question. Mais deux jours après, toutes ces déclarations ont été retirées, tout simplement parce que Autostrade SPA, l'entreprise qui gère les autoroutes en Italie, est une lobby qui finance en fait les partis politiques, qui finance la droite et qui finance aussi le parti de Salvini, la Lega. Toutes ces contradictions vont se cumuler et vont augmenter. Et les mêmes contradictions de classe qui ont porté à la naissance de ce gouvernement vont et qui interrogent en fait la classe dominante vont aussi pousser la classe ouvrière à se questionner et à essayer de pousser ce secteur de gouvernement qui semble écouter un peu plus les exigences de cette partie de la société. De son côté, Salvini a carrément hégémonisé le champ politique de la droite. Il y a une métamorphose de ce parti. Avant, la Ligue s'appelait la Ligue du Nord, comme je disais, parce que il y avait une concentration d'électorat surtout dans le centre nord d'Italie, et surtout parce que dans les années 90, quand ce mouvement est né, parlait de la sécession en fait, de la Padania, cette région imaginaire du centre nord. Et en levant en fait l'étiquette nord du logo et du nom du parti, il a essayé de faire cette opération de rendre ce parti un parti national, nationaliste, anti-européen, qui tournait en fait son regard aussi aux régions du sud et essayait de trouver un nouveau ennemi, les immigrés en fait, qui arrivent, qui s'échappent des guerres et arrivent en Italie, et selon la rhétorique xénophobe de la Ligue, arrive pour voler les postes aux Italiens, les postes de travail aux Italiens. Ce qu'on pense en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a eu un processus de lépénisation en fait de la Ligue. Et notamment, il y a aussi pas mal de meetings internationaux où la Ligue, et en particulier Salvini, a essayé de fraterniser en fait avec avec Le Pen et le Front National. Et ça, c'est arrivé aussi parce qu'en Italie, il y avait aussi d'autres formations équivalentes du Front National qui ont disparu, en fait. Notamment, il y avait Alleanza Nazionale, et l'Alliance Nationale de Gianfranco Fini, qui, vers la fin des années 90, a essayé de transformer son parti dans un parti libéral de droite, en laissant, en fait, un espace qui a été occupé par Matteo Salvini. Comment on peut caractériser en fait ce parti? Est-ce qu'on peut dire que, comme certains militants de gauche, certains dirigeants réformistes disent, et même certains opposants libéraux, comme sont ceux du Parti démocrate, est-ce qu'on peut caractériser la Ligue comme un parti fasciste? Eh bien, la réponse, c'est non, pour plusieurs raisons. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments fascistes dedans. Il y a sûrement dans les listes de la Ligue des fascistes, il y a sûrement un rapprochement entre les programmes, voilà, les propos de la Ligue et les mots d'ordre d'autres formations minoritaires en Italie qui se réclament de fascisme, comme Casa Pound, Forza Nuova et d'autres. La vérité, c'est que il reste un parti, je dirais plutôt bonapartiste, voilà. Et on voit ces éléments en fait de bonapartisme dans la société italienne quand en fait le ministre de l'Intérieur, parce que Matteo Salvini, il est le ministre de l'Intérieur, justement, essaye d'utiliser l'appareil répressif de l'État pour construire son consensus, pour renforcer sa position politique dans le gouvernement et en général dans la société. On le sent en fait sûrement à ces minorités, ces organisations minoritaires, la sale tâche d'agresser les immigrés, les homosexuels, les militants de gauche. Ces accidents en fait existent et il y a sûrement un climat où certaines déclarations, certaines prises de position ouvertement xénophobes et racistes ont un espace majeur en ce moment, surtout par rapport à la médiaticité, à l'utilisation des réseaux sociaux, surtout par le ministre de l'Intérieur, etc. Mais on ne peut pas dire que ça n'existait pas avant. Au contraire, il y a des responsabilités énormes du Parti démocrate aussi, surtout quand on considère l'impact des politiques anti-immigration. Le dernier décret sécurité approuvé par le gouvernement italien, qui bien sûr, il y a des éléments, je vais en citer quelqu'un, c'est une véritable guerre contre les immigrés clandestins. Mais en réalité, ce qu'il y a caché derrière, c'est une guerre déclarée contre les activistes politiques, contre les opposants politiques. Dans le décret sécurité, il n'y a pas tout simplement la criminalisation des immigrés. Mais il y a aussi, par exemple, le risque pour qui décide de faire des blocages dans la roue, d'avoir des sanctions pénales, alors qu'avant il y avait juste des sanctions administratives. Même par rapport aux occupations des terrains ou des bâtiments, aujourd'hui il y a le risque de 4 ans d'emprisonnement. Donc on voit bien que l'objectif des immigrés est juste une excuse en fait. L'objectif c'est finalement le mouvement ouvrier. Ça va sans dire, il y a à cause de ces manœuvres politiques une vague réactionnaire. Et on le voit même au niveau local, dans certaines régions, notamment dans le nord-est d'Italie. Dernièrement, il y a eu un décret régional, le décret Pilon, qui attaque frontalement la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, la loi 194 en Italie. Et il y a même des ministres, comme le ministre de la Famille, Fontana, qui a des idées ouvertement homophobes et sexistes. Donc on ne peut pas nier en fait cet élément-là. Mais de l'autre côté, comme pour les autres pays, comme pour la France, comme pour les États-Unis, comme pour l'Angleterre, quand on discutait avant le Brexit de l'UKIP, il n'y a pas une base sociale pour le développement d'une force ouvertement fasciste, avec la disparition de la paysannerie, avec le processus de prolétarisation de la société et donc au final de radicalisation aussi de la petite bourgeoisie. Et de plus, j'ai pas le temps pour rentrer dans les causes historiques du fascisme en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays, mais c'est clair qu'il n'y a pas eu un processus pré-révolutionnaire, un échec ouvert de mouvement ouvrier dans un processus révolutionnaire qui peut motiver un secteur de la classe dominante à choisir le fascisme pour réprimer et pour empêcher le danger d'une prise de pouvoir de la part des travailleurs. Tout ça n'existe pas. Ça n'empêche pas, évidemment, un processus de avancée de ces idées réactionnaires et donc bien sûr, il faut les combattre, il faut les combattre avec un programme de classe et anti-capitaliste. De plus, juste pour compléter cette réflexion sur le fantasme en fait du fascisme en Italie comme dans d'autres pays, il y a en ce moment en Italie une mobilisation importante de la jeunesse qui n'est pas du tout n'est pas du tout d'accord avec cette vague réactionnaire et de répression et qui est descendue de la route déjà plusieurs fois comme on l'a vu le 26 octobre et même hier et même aujourd'hui il y a des manifestations de masse dans dizaines de villes en Italie. Il y a quelques semaines, il y a eu une manifestation dans une petite ville du Nord-Est, la ville de Trieste, où il y a eu vraiment un petit centre. Il y avait 5000 personnes dans la rue et c'était une manifestation ouvertement antifasciste. Donc ça c'est quelque chose de plutôt évident. Donc il y a une réponse en fait sociale et le protagoniste de cette mobilisation, c'est la jeunesse. Mais pourquoi la jeunesse? C'est pas au hasard. En fait, la jeunesse en Italie paye beaucoup, a déjà beaucoup payé la crise économique, a déjà beaucoup payé les politiques d'austérité, et elles se rendent bien compte que l'ennemi ne peut pas être le plus pauvre, mais évidemment l'ennemi est le plus riche. Le taux de chômage pour la jeunesse entre 15 et 30 ans en Italie touche, comme vous le savez probablement, c'est un chiffre déjà beaucoup cité dans nos articles, 33%. Mais comme je disais, dans le sud d'Italie, ce taux augmente et touche 40% de la population jeune. Les politiques menées jusqu'à aujourd'hui sont des politiques de destruction de l'éducation publique. L'université en Italie est une université presque privatisée. Je parle de l'université publique. Le processus de Bologne en Italie, il est très avancé, beaucoup plus qu'en Espagne. On voit en ce moment avec Parcoursplus une tentative de faire la même chose en France, mais on est qu'au début du processus, alors qu'en Italie il est déjà très avancé. Pour la licence et le master en Italie, on peut arriver à payer avec si on est propriétaire d'une maison et si on est des fonctionnaires, les fils des travailleurs, il peut payer même 10 000 euros entre la licence et le master 2. Et de plus, la formation universitaire, pour ce qui concerne les sciences humaines, elle devient de plus en plus, pas utile au marché du travail. Il y a un investissement très ciblé pour les facultés scientifiques. Et même les lycées deviennent de plus en plus des centres de formation élitistes. Il y a toute une campagne en Italie contre la jeunesse qui n'a pas la possibilité d'étudier et qui ne trouve pas de travail. On appelle ça avec un acronyme les NEET. Sont justement les jeunes qui ne sont pas à la fac et qui ne trouvent pas de travail et qui, peut-être à 30 ans, sont encore à la maison parce qu'ils n'ont pas de ressources, n'ont pas de revenus et ils ne peuvent pas sortir en fait du noyau familier. Et il y a une propagande humiliante en fait de ce secteur de la société. Donc vous pouvez imaginer que ce mix d'éléments fait si qu'il y a une rage, une colère sociale énorme qui se cumule depuis des années. Et qui pousse en fait la jeunesse à descendre dans la rue. Pour ce qui concerne en fait le mouvement ouvrier et les perspectives de mobilisation de la classe, ben, il faut savoir que dans le mouvement syndical, il y a en fait aussi des secteurs qui pensent qu'il y a une certaine perméabilité de ce secteur entre guillemets, entre 1800 guillemets, de gauche du gouvernement. Et ça, il y a un reflet en fait de ce débat même dans le congrès de la CGIL. Faut savoir, camarades, que la CGIL est un des syndicats plus importants en Europe en termes de membres. Il compte quand même encore 4 millions de membres, en sachant qu'il y a aussi les retraités. Donc aussi un secteur de la classe qui n'est pas actif dans le processus de production. Mais il faut savoir qu'à différence des autres syndicats en Europe, notamment par exemple par rapport à la CGT, la CGIL pendant des années a complètement transformé son rôle dans la société. En fait, il est de moins en moins un syndicat de lutte, un syndicat pour défendre les conditions de travail pour avancer des revendications, pour améliorer ces conditions de travail. Il y a de plus en plus un syndicat des services, c'est-à-dire un syndicat qui gère les mutuelles, qui gère les assurances, qui fait ce genre de action, je dirais, mutualiste vis-à-vis de ces services. Et pendant les dernières années, il a rien fait, en fait, par rapport aux politiques d'austérité. Il a une énorme responsabilité. Si, et j'arrive aussi à la question de la crise de la gauche, si aujourd'hui il n'existe pas une force politique capable de canaliser ce processus de radicalisation, etc., c'est aussi à cause de la direction de la CGIL qui n'a jamais mené une heure de grève contre la loi travail, ou bien l'a fait, mais c'était quelque chose de très insuffisant en Italie. Et encore pire par rapport à la réforme, des retraites. Et dans le congrès de la CGIL, en ce moment, on discute exactement de ça. Et la position de la majorité est une position complètement acritique par rapport au bilan des dernières années. Et il y a en fait une opposition entre deux candidats qui proposent un peu les mêmes solutions, mais avec un point de vue différent. Vis-à-vis du gouvernement. On a Colla, beaucoup plus proche du parti démocrate, qui essaye de proposer en fait une opposition sur la ligne du parti démocrate au gouvernement, c'est-à-dire une opposition libérale, une opposition européiste, et propose un modèle de concertation sur le type allemand, c'est-à-dire où au final les syndicats participent en fait à la gestion financière, surtout des entreprises. Et on a Landini, un vieux dirigeant de la FIOM, qui était protagoniste en 2010 de mobilisations importantes dans la Fiat, qui a ouvertement raté l'occasion, voilà, de galoper en fait cette radicalisation de ce secteur de la classe, les métallos en fait, le secteur de la métallurgie en 2010, quand en fait il y avait l'occasion probablement d'impulser en Italie une formation politique indépendante de la classe liée à cette radicalisation. Et grosso modo, Landini propose en fait d'essayer de faire une négociation par le bas, évidemment, avec le gouvernement, en essayant de s'appuyer sur la figure de Di Maio. Il y a aussi une opposition à l'intérieur de la CGIL, une opposition plutôt minoritaire, qui a fait 1% des voix au Congrès. Et qui en ce moment ne représente pas effectivement un élément catalyseur en fait pour les syndiqués qui critiquent en fait la majorité de la CGIL. Il y a eu des interventions très critiques. Le problème, c'est que c'est un syndicat énormément bureaucratisé, et il a organisé effectivement des congrès où il y a des congrès même à la dernière minute. Il a organisé des congrès de façon de ne faire pas participer en fait la majorité des travailleurs. Et donc il y a eu aussi une attitude de la part de l'opposition d'essayer de courir derrière les travailleurs pour les faire voter sans effectivement réussir à capter le jusqu'au bout ce secteur, faute de la bureaucratisation de cette organisation. Mais c'est clair que dans la prochaine période, au-delà des limites des organisations syndicales, on peut voir même de la base et même en dehors des organisations syndicales des processus des processus spontanés de protagonisme des ouvriers qui vont essayer de créer un lien direct avec le gouvernement pour essayer de mettre en place les réformes qu'il a promis. Pour ce qui concerne le terrain plus proprement politique et partitique, tout simplement on se pose une question très claire. Est-ce qu'existe aujourd'hui en Italie, un parti indépendant de la classe capable de canaliser ce processus de polarisation, de radicalisation à gauche. Eh bien, non, ce parti n'existe pas. Aux dernières élections, il y a eu des formations politiques réformistes de gauche qui se sont présentées, qui sont en train de s'effondrer pour des raisons différentes, mais spéculaires en même temps. Et dans ce contexte, c'est clair que les marxistes ont un travail énorme à faire. Par contre, la question de la constitution d'un parti indépendant de la classe se pose, même si de façon différente. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Le fait même pour un secteur de travailleurs syndiqués et non, qui s'interroge sur la possibilité de pousser à travers la lutte, à travers la mobilisation, de pousser ce gouvernement pour mettre en place ces réformes, c'est une forme de questionnement, c'est une forme de réflexion sur la possibilité d'influencer le pouvoir et donc aussi de le prendre. Voilà. De l'autre côté, il y a déjà un secteur politisé, fortement politisé, et c'est la jeunesse. La jeunesse qui a un avantage, évidemment, un avantage et un désavantage en même temps, à l'avantage de n'avoir pas la pression des bureaucraties et aussi le poids des défaites du passé, mais de l'autre côté aussi de n'avoir pas un cadre organisé pour mener sa lutte. Mais déjà, il y a dans la roue des mobilisations très radicales et ils vont se multiplier. Les occasions pour faire exploser ce processus sont différentes. Et je pense que c'est inutile de rester ici à s'interroger sur quel point sera le point de rupture, etc. Mais il faut aussi se dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a jamais eu des luttes en Italie. Je parle de lutte ouvrière proprement dit. Il y a eu des luttes dans différents secteurs. Après la grosse défaite, parce que de défaite, il s'agit à la Fiat, il y a eu aussi d'autres luttes ouvrières dans des secteurs différents, la logistique, les luttes de Amazon, les luttes de IKEA. Il y a eu différents secteurs qu'on pourrait dire beaucoup plus compliqués en fait, où faire un travail syndical, etc., où il y a eu des mobilisations importantes, et on va avoir d'autres mobilisations comme ça. Mais l'élément central qui reste, c'est justement la question du parti indépendant de la classe qu'il faut constituer. Les marxistes en Italie sont engagés dans ce travail-là, en sachant qu'en ce moment, les forces marxistes ne sont pas l'expression de l'avant-garde de la classe, ça aussi, il faut le dire carrément. Et on ne pense pas non plus qu'à travers l'expérience qu'on a fait en Italie d'une liste indépendante aux élections, on puisse impulser ou trouver des raccourcis pour la construction du parti de classe, etc. Ça ne verra pas, évidemment, juste du travail que font le marxiste, mais ça verra aussi de l'expérience des travailleurs et de la jeunesse. Mais cette expérience-là, elle est, et j'ai presque fini, elle est déjà en train de se former. Parce que à aujourd'hui, après moins d'un an des élections, le gouvernement a déjà trahi beaucoup d'attentes qu'il y avait. Je vous laisse avec une image et après peut-être je rajoute des choses dans les conclusions. Le mouvement 5 étoiles, au-delà de toutes les promesses qu'il avait faites sur la politique économique, il s'était présenté vraiment comme les représentants de tous les dessous de la gauche. Notamment des activistes écologistes, par exemple, du nord comme du sud d'Italie. Je pense notamment au mouvement Notav contre la ligne Turin-Lyon, ou aussi le mouvement Notap. Le sud d'Italie, c'est un mouvement contre la, les, la construction d'un, d'un gazoduc, gazoduc, c'est comme ça qu'on dit, gazoduc dans les Pouilles, eh bien, le jour avant les élections, il y a un dirigeant qui en ce moment fait un tour aux États-Unis et il est un peu loin du débat du Parlement, dit Baptiste, qui représentait un peu l'aile gauche du mouvement 5 étoiles, avait dit le jour après les élections, on arrête avec la table, on arrête avec la TAP. Évidemment, quand il s'agit de se confronter avec les compatibilités du capitalisme, c'est réformiste, parce que finalement, de réformiste, ce sera toujours. Je pense que populiste, ça crée confusion. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Et bien, quand on est confronté à les compatibilités du capitalisme, finalement, on est soumis à ces compatibilités. Et le seul changement possible, comme mes camarades italiens ont expliqué dans plusieurs articles, le seul gouvernement de changement possible sera le gouvernement des travailleurs. Désolé pour la petite pause, j'étais beaucoup fatigué. Bon, merci pour votre clémence. Merci Luigi.